Chapitre 8e. Caprice d'artiste. Ned Bjork n'avait guère l'habitude de faire les choses à la légère. Chez lui, tout était bien réfléchi, et jamais il ne se laissait aller au premier mouvement que, contrairement au dicton, il assurait toujours être le plus mauvais. Après les révélations de Romain Farrel, il avait pensé sur le champ à se rendre auprès du père de Bianca, afin de lui dévoiler tout ce qui se tramait dans l'ombre autour de sa fille. À la réflexion, cependant, il changea d'avis, retrouvant avec sa tranquillité d'esprit toute sa sûreté de jugement. Rien ne pressait. Et après la découverte qu'il venait de faire du mot de l'étrange énigme, Bjork reconnaissait que, pour s'engager plus avant dans cette affaire, deux avis valaient mieux qu'un. Longue encore avait été alors la conversation qu'eurent les deux amis dans l'appartement qu'ils partageaient en commun, et où se trouvait également situé le bureau de leur agence de police privée. Cette effarante histoire de captation d'héritage et l'infernale machination qui tendait à faire réussir les odieux projets de Daniel Salviati passionnait littéralement Romain Farrel, plus encore que ne l'avait jamais fait aucune des affaires criminelles dont il s'était occupé jusque-là. Aussi Bjork, devant l'intérêt grandissant qu'y trouvait son élève, prenait-il plaisir à ménager ses effets, tout fier de voir, à ses remarques, combien il avait su profiter des leçons de son maître S-Sciences policières. Lentement alors, très posément, il exposa le plan qu'il avait conçu pour déjouer les infâmes projets du compositeur italien. Dès le lendemain, il irait tout dévoiler au comte à San Gallo. Teresa serait éloignée sous un prétexte quelconque, sinon chassée, et Bianca plus étroitement surveillée que jamais. Quant à Daniello, le détective laissait au comte le soin de décider ce qu'il ferait à son égard. Ici toutefois, Farrel différait d'opinion avec son maître, en essayant de lui faire comprendre que ce criminel complot, fût-il même dénoncé, ne comportait pas en lui-même de preuves suffisantes pour accuser nettement le musicien. On ne pouvait empêcher, après tout, Mademoiselle da San Gallo d'aller se faire tirer les cartes par Teresa, ou dire la bonne aventure chez une cartomancienne, si bon lui semblait, d'autant que, dans quelques jours, lorsqu'elle aurait atteint sa majorité, elle serait parfaitement libre d'agir à sa guise. Démontrer la complicité de la duègne par l'entrevue qu'elle avait eue avec Daniello dans l'église des Batignolles, prouver le projet criminel de ce dernier en rapportant les propos surpris, tous deux nieraient effrontément, et d'accord avec les termes juridiques, testis unus, testis nullus, le témoignage d'une seule personne ne suffisait pas pour établir la vérité d'un fait. Et faire intervenir le louche personnage, qu'était la veuve Simonin, ne fournirait pas une preuve péremptoire. Ne valait-il pas mieux laisser les choses suivre leur cours et arriver à confondre le coupable en le prenant en flagrant délit? Autrement dit, Ryan Ned Bjork, au moment même où le Daniel Salviati réduit en miettes la coupe du doge, fort bien parlé, l'ami. Je n'ai qu'une petite objection à vous faire. Laquelle? Comme il est convenu avec le comte qu'au soir de la fête, vous et moi, nous surveillerons de très près le précieux objet. En montant discrètement la garde dans tous ses proches environs, il y a de grandes chances pour que le musicien ne parvienne pas à s'en approcher. L'accident, ce cas, serait évité et tout serait pour le mieux. D'accord, Farrel. Mais alors, le comte, ignorant tout des agissements de son indigne parent, continuera à le voir, à le recevoir, laissant courir ainsi de graves dangers à sa fille. Non, croyez-moi, il faut que Paolo da San Gallo soit averti sans plus de retard. Ned Bjork, obstinément, s'en était tenu à sa décision que Romain Farrel avait vainement combattue. Et c'est bien résolu à tout révéler au comte qu'il se rendait, le lendemain même, à Neuilly. « Ah, vous voilà donc enfin !» lui dit anxieusement le père de Bianca dès le seuil de son cabinet en se portant à sa rencontre. « Vous m'apportez des nouvelles, n'est-ce pas ?» Mais avant même que le policier eût le temps de lui répondre, il ajoute avec hâte « Attendez, il faut que je vous dise. » Devinez un peu qui était ici il n'y a qu'un instant. « Ma foi, » répliqua assez négligemment Ned Bjork, qui n'attachait aucune importance à ce détail. « Daniello Salviati, » déclara le comte. Un cri manqua s'échapper des lèvres du détective. « Salviati, quelle audace » songeait-il. « Évidemment, il croit voir la partie belle. Quelle fourberie indigne. Ah, que le comte allait savoir ce que Bjork bouillait maintenant de lui apprendre. » Mais déjà Paolo da San Gallo reprenait. « Je vous donne en mille ce qu'il est venu faire ici. »« Et que voulez-vous que je vous dise ?» s'impatienta l'Américain. « J'ignore complètement. » Il m'a demandé de lui montrer la coupe du doge. « Allons donc !» sursauta le policier. « Et vous ne la lui avez pas fait voir, je pense, songez à ce qu'elle risquait. »« Détrompez-vous, monsieur Bjork. Je la lui ai si bien montré qu'elle est encore là, sur mon bureau. Voyez plutôt. » Le détective tourna les yeux de ce côté et put se rendre compte que le père de Bianca avait dit vrai. La précieuse coupe en verre de Venise était bien là, à côté de l'écrin qui, à l'habitude, la renfermait. « Quelle imprudence !» s'écria l'Américain en examinant attentivement la précieuse relique. « Oh, ne craignez rien, je ne me suis pas éloigné d'une seconde !» Ned Bjork, enfin connaisseur, admirait cette pièce de toute beauté, à qui son ancienneté ajoutait une valeur inappréciable, en dehors même de son merveilleux travail. Le verre, d'une exceptionnelle finesse, irisait des teintes les plus délicates, chatoyait sous la ciselure des ors qui l'encerclaient, serpentant en superbes replis sinueux. « J'avoue, reprit le comte, que j'ai eu un terrible moment d'angoisse, quand j'ai entendu Daniel Lowe me prier de le laisser le faire raisonner. « Raisonner ? » interrogea Bjork, surpris. « Oui. Figurez-vous qu'en frappant le verre d'une légère chiquenaude, la coupe prend un son argentin du plus mélodieux effet. Tenez, écoutez vous-même. » Et sous un délicat coup d'ongle de Dasan Gallio, le verre se prit à vibrer, donnant une série de notes musicales vraiment surprenantes. « Quelle fantaisie ! » ne put s'empêcher de dire le policier. « Et pourquoi ce caprice de Salviati ?» Il m'a expliqué que c'était au sujet de la cavatine qu'il composait en l'honneur de Bianca et pour sa majorité, cette cavatine qu'il fera jouer à notre fête par l'orchestre dont il a choisi lui-même les exécutants, des musiciens de premier ordre, je puis vous le certifier. Bjork était resté songeur. « Ah, cette cavatine » grommela-t'il entre ses dents. « Quelle drôle d'idée !» Qui devait naturellement venir à un compositeur de grand talent comme lui. « Oui, oui. Voyons, ne lui refusez pas cette qualité, monsieur Bjork, il a assez de défauts. » « Loin de moi cette pensée. L'idée de cette cavatine, spécialement composée pour cette fête, m'a intrigué, je vous l'avoue, depuis l'autre jour, où vous m'en avez parlé. Cela me semble vraiment extraordinaire. Ah, vous autres policiers, vous vous méfiez de tout. Peut-être avons-nous raison. Avec tout cela, monsieur Bjork, vous ne m'avez rien dit de vos nouvelles. » Le détective s'était ressaisi. Ce qu'il venait d'apprendre de la visite de Daniello Salviati, et surtout de son étrange surprise pour la fête en question, l'avait complètement ébranlé dans ses résolutions premières. Décidément, songea-t-il, Romain Farrel a peut-être raison. Prévenir le comte de ce que j'ai découvert ne servira de rien. Mieux vaut qu'il ignore tout. Qui sait si cette curieuse cavatine ne nous fournira pas le moyen de confondre Salviati en le prenant en flagrant délit. Et avec le calme le plus parfait, il répondit. Des nouvelles ? Mais je n'en ai malheureusement pas, monsieur le comte. Je venais justement vous en demander, et vous voyez que vous en savez beaucoup plus long que moi. « Mais cette filature, alors ?» demanda encore Paolo da Sangallo. « Hélas !» se lamenta Bjork. « À la porte-maillot, nous avons, Farrel et moi, complètement perdu la bonne piste. Mademoiselle Bianca et Teresa ont disparu, à la faveur d'un encombrement de voitures et de camions, sans qu'il nous fût possible de savoir par où elles étaient passées. Vous savez, il y a le métro, le chemin de fer de ceinture, plusieurs lignes d'autobus, sans compter les taxis. « Ah, de véritables anguilles, monsieur le comte. Oui, des anguilles. »